batterie. C'est une chanson. C'est une chanson et j'essaye de monter. Bande des accords. Fais un tap tempo. Allez, 120. je sais qu'on peut faire division. Donc les accords, c'est... Ah, ça fait, attends. J'en suis pas encore là. Après c'est un mi. Je vais pas tomber, c'est ça. Sauf erreur. Oui, peut-être, ouais. Attends. World, don't come easy to me. This is a j'avais envie de faire ça vite fait. Mais j'avais pas les. Tout... Je crois que ça passe. Hein. Ok. Attends. C'est bon? C'est do à la fin, c'est comme t'as dit, ouais. À la fin, c'est pas ce que j'avais marqué, non? Ah oui, j'avais pas tout à fait marqué ça. Oui, j'avais pas tout. Je m'étais trompé. Hé, je suis fatigué. J'ai travaillé. Donc, ça fait quoi alors? Bon, je vois. Salut! La mineur. Ré mineur. La mineur. Ré. C'est ça ? C'est ça ? Si je me suis pas trompé ? Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Alors. J'ai perdu la fenêtre. Non, c'est pas calé. Ah putain, les fenêtres qui s'allument. Attends, j'ai perdu. Il y a les fenêtres qui s'allument. C'est le sapin qui s'allume. Je suis même pas picolé. Putain, elle est où cette putain de... Ah, ça y est. Voyons. Est-ce que c'est calé ? Ouais, c'est bon, c'est calé. Moi je l'avais déjà fait une fois, ça. Good mic. Yes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi ? Attends. C'est qui fait le départ ? Allez, tu fais le départ. Je chante. Maintenant Théo, on t'entend bien. J'entends un bruit bizarre, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a Supamil, Supamil qu'on entend juste un tout petit peu. Hey Théo, prochain coup, je pars avec toi. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, c'est qui avait fait Lola la dernière fois de Renaud? Qui c'est qui connaît Renaud? Connais bien les playboys des bacs à sable, draguer leur mère avant. C'est quoi les accords de Renaud? Lola, je suis qu'un fantôme quand tu vas au chipa. La dernière fois, il y en a un qui a sorti cette chanson, puis je devais aller bouffer, j'avais envie de la faire. Les accords, c'est quoi? C'est qui a fait cette chanson? Il y a un mariole, il a au moins 4 ans. Il veut piquer ta pelle et ton seau. Et il manque des paroles. Yes. Attends, pourquoi vous aimez Parano? Ah, c'est pas sympa, parce que moi c'est ma chanson. Ouais, j'avais écrit ça, à l'époque j'étais pas bourré. Je vous jure que je sortais pas du bistrot. J'étais pas bourré, je vous jure. J'avais oh, c'est pas compliqué. Attends, faut pas me faire chier, Gérard Lambert, quand je débarque ma brouillette. Les paroles, merde. T'es un mariole, il a au moins 4 ans. Il va piquer ta pelle et ton seau. Ta couche culotte avec tes bons mecs dedans. Lolita, défends-toi, tu dis un coup de recto dans l'eau. Les gars, laissez-moi chanter un peu. Après, vous ferez des solos. Putain, attends, j'ai trop de guitaristes là, ça va pas. J'ai même pas de bassiste. Y'en a pas un qui me fait. Oh. Ah. Voilà. Je vais faire un couplet et après je vous laisse faire des solos à plein régime. Je dis que ça arrête pas. Attends, j'ai un guitariste, il est complètement sourd, tu lui dis d'arrêter, il continue. Oh merde, c'est quoi ce bordel? La guitare, celui qui s'arrête jamais, il s'appelle Théo. Ah, mais c'est toi, Théo. La guitare, c'est Théo. On va commencer par un solo et après on fera la chanson. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Où je me suis réveillé, merde, chier. Thank you. sera une tariste au nom, ça sera l'ex. Pas un fa alors. C'est un fa en plus. Voilà. Il y a une basse, elle est bonne. La basse est bonne. La basse, elle est très bien. Putain, je vais tous vous virer. Vous faites chier. On va aller tous au bistrot. On va régler ça avec un petit jaune. Quand tu vas t'y vas. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, un jour même, hein. Enregistré. Là, j'ai une chanson à vous proposer. Okay. Alors. Cent trente-deux. 132. Je crois. Je suis pas sûr. Alors ça fait la mineure. Non, ça va pas cette tonalité. Ah merde, non, ça va pas cette tonalité, faut que je sois tonalité. Ah là là, ça va être dur pour vous là, parce que là, je change. Merde, je trouve pas la tonalité. Je ne trouve pas ma tessiture. Moi je traîne dans le désert de... Moi je traîne dans le désert depuis plus de 26 jours. Et déjà non. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 26 jours. Et quelques mirages me disent de faire. C'est un la. En la mineur. Thank you. sans me déranger. Eh ouais, j'avais un ami, il s'est barré, salaud. Quelques mots perdus dans la nuit. Oula, oula. Un drum. Attends. Tu veux de drum? Je vais essayer de mettre une drum. On appelle un batteur. S'il te plaît, merci. Un batteur qui fait toujours le même rythme. Ça fait des mois. Si possible, tempo. Merci. Allez, t'es nul. Bon, il veut pas jouer, le batteur. C'est un feignant, putain, c'est un feignant. Ah, le batteur il fait chier. Contrôle. Déjà.